lokumu obiso to dinga kacha komba kacha koma bolochi hallelujah ya mabisa mokondi amen akubisa mama na nambali hallelujah oh Jésus tu es le sauveur. Lazare c'est quoi na combo na Yesu Yesu Molinga mi sepela popola potulula de la mane sengo mon sikoli na yo esi a telemi ou a simbio a monikana na nsambe mon toba ngisa oli suzute ton Dieu est tout puissant hallelujah. Yesu oyo elamba na lobiko ozali nzambe na nguya Grâce de la promesse.